Raymond s'était rendu au bal de la génétouse. Il rencontra Micheline en plein milieu d'un champ de pouze. Micheline était très belle, elle sentait bon la citronnelle. Elle s'est prise de Raymond qui portait son plus beau veston. Le moment des adieux sera plus que douloureux, car même quand on est vieux, on a envie d'être joyeux. Le moment des adieux sera plus que douloureux, car même quand on est vieux, on a envie d'être amoureux. René était fin prêt pour cette bien belle et grande journée. Il s'était habillé, il ne manquait plus que son dentier. Au bal, il invita toutes les filles à danser. À la troisième valse, il fut charmé par Guénolé. Le moment des adieux sera plus que douloureux, car même quand on est vieux, on a envie d'être joyeux. Le moment des adieux sera plus que douloureux, car même quand on est vieux, on a envie d'être amoureux. Célèbre fête, brise de bouffe et de chaleur, elle a couru à la buvette. Celui qui l'a servi n'était autre que le Saturnin. Elle lui fit les yeux doux, il lui reluqua ses gros seins. Le moment des adieux sera plus que doux.